Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je réentends ces béatitudes, il y a quelque chose qui me touche profondément, comme si, il y avait quelque chose du cœur de Jésus, de l'âme de Jésus qui passe tellement fort dans ces paroles qui sont comme un chant extraordinaire d'espérance qui retentit depuis cette montagne sur les siècles de l'histoire de l'humanité, de l'Église. Il me semble que, oui, toute l'âme du Christ est dans ce chant bouleversant qui nous parle au fond du royaume de son Père à nous qui sommes sur la terre. Et si Jésus gravit la montagne en voyant la foule, c'est pas seulement pour avoir un bon point de vue ou bien une bonne position pour projeter sa voix. C'est d'abord parce que Jésus lui-même est la montagne, c'est-à-dire qu'il est le sommet. Il est le sommet de la révélation. Et il va sur le sommet pour nous y attirer aussi, pour nous attirer au sommet de nous-mêmes, en lui. Mais s'il va aussi sur ce sommet, c'est parce que il regarde au-delà de l'horizon humain, terrestre, historique. Et il regarde pour nous, ou plutôt il veut nous partager cette vision que nous sommes appelés à la gloire dans le royaume de son Père bien-aimé. C'est pour ça que ce chant des béatitudes n'est pas d'abord, à mon sens, un discours sur le bonheur. Souvent on dit ça, c'est merveilleux, Jésus vient nous parler du bonheur, comme il est gentil, comme il est bon, il veut nous rendre heureux. Ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas tout à fait exact. Parce que Jésus nous donne dans les béatitudes, ou plutôt ne nous donne pas dans les béatitudes, une recette du bonheur. Et il ne nous garantit pas le bien-être en le suivant. J'espère que je ne vous déçois pas trop, frères et sœurs. De toute façon, Jésus lui-même, dont on reçoit le portrait dans ses béatitudes, on ne peut pas dire qu'il a une vie heureuse. Enfin, à la fin, oui. Happy end. Ben, ce n'est pas un modèle de vie heureux aujourd'hui qu'on proposerait. Avec un bungalow en banlieue, une bonne job, une belle famille, un chalet, puis un yacht. Vous voyez, ce n'est pas cette aspiration qu'au fond on a tous d'avoir la sécurité, l'abondance, le bien-être. Mais je ne dis pas non plus que Jésus est venu pour nous en faire baver sur la terre. Mais quand il dit heureux, on pourrait traduire d'une autre manière. C'est-à-dire, vous ne vous rendez pas compte quelle chance vous avez de pleurer aujourd'hui. C'est un grand privilège que vous avez d'être persécuté. C'est une chance extraordinaire d'avoir faim et soif, parce que dans le royaume de mon Père, vous serez consolés, mais d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer, d'un bonheur, d'une plénitude inconcevable pour l'être humain et dont on n'a ici qu'un avant-goût. Donc ce chant des béatitudes est un chant eschatologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire encore une fois qu'il nous montre le véritable horizon de la destinée humaine qui peut passer par un bonheur terrestre, mais pas forcément. Nous fêtons aujourd'hui la fête de tous les saints qui ont été à la fois les hommes les plus heureux et peut-être qui ont le plus souffert sur la terre, parce qu'ils ont gardé le cap sur le royaume des cieux. Comme dit Paul, notre but n'est pas sur la terre, mais dans les cieux. Et ils ont vécu les béatitudes. Alors, peut-être vous allez dire, ouais, mais c'est un peu moche parce qu'au fond, il faut en baver sur la terre, puis on sera récompensé dans les cieux. voyez, je ne dis pas ça non plus. Et c'est peut-être un discours qui a existé à certaines époques. On disait aux chrétiens, ben voilà, c'est tough. On n'est pas sur la terre pour la réussite, l'abondance, mais pour souffrir. Et peut-être qu'on sera d'autant plus récompensé qu'on aura plus souffert. Mais ça, ce n'est pas du tout chrétien, je pense. Alors, vous allez me dire, mais de quoi s'agit-il, puisque Jésus ne nous donne pas de recette pour le bonheur, mais vous dites que ce n'est pas un bonheur après, puis il n'y en aura pas sur la terre. Mais vous avez remarqué, le texte commence en parlant des cieux et se termine en parlant des cieux, mais que c'est peut-être une expression qui a sa limite, le royaume des cieux, parce qu'on a l'impression que justement c'est une patente qui est complètement ailleurs, au-delà. Et c'est là, il me semble, la clé de ces béatitudes, c'est que en Jésus, ce royaume des cieux a commencé sur la terre. Il est inauguré, mais il trouve son terme dans l'au-delà. Quand Jésus commence sa prédication en Galilée, il dit « Les temps sont accomplis, le royaume des cieux est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Heureux celui qui saisit cela en moi, que le royaume est venu jusqu'à vous parce que vous étiez incapable d'aller jusqu'à lui. En moi, le ciel est descendu sur la terre pour que sur cette terre, vous ayez un chemin vers le ciel. Alors, c'est un bonheur divin dont le Christ parle dans ses béatitudes. Et encore une fois, ce n'est pas seulement pour après, c'est inauguré. Mais ce bonheur, vous avez remarqué, il est paradoxal à plusieurs égards, puisqu'il dit « heureux les pauvres, les affligés, les persécutés, etc. » Et cela nous renvoie, il me semble, à la première lecture dans Saint Jean, qui est un texte de type pascal, parce qu'on voit ces gens de toute nation, race, peuple, qui ont lavé leur sang, leur robe dans le sang de l'agneau, ils viennent de la grande épreuve, ils ont suivi l'agneau. C'est évidemment une allusion au passage de la mer Rouge qui se réalise pour nous chrétiens dans le passage des eaux baptismales. Mais ils sont passés par la grande épreuve, ils ont été purifiés dans le sang du Christ, c'est-à-dire qu'ils se sont conformés à sa souffrance pour avoir part à sa gloire. Donc il me semble que le chant des béatitudes nous dit que le bonheur en Dieu passe par le mystère de Pâques. On ne peut pas en faire l'économie. On ne peut pas accéder à la richesse de Dieu sans faire une expérience parfois jusqu'à la douleur de notre misère. On ne peut pas désirer la justice de Dieu sans être profondément blessé par ce monde. On ne peut pas avoir part à la paix de Dieu si on n'accepte pas d'être ignoré ou peut-être méprisé ou persécuté dans ce monde. Et en nous disant « heureux les persécutés », Jésus d'une certaine manière vous dit « si vous souffrez, si vous êtes affligé, si vous êtes persécuté, c'est bon signe ». Parce que les faux prophètes, tout le monde les encensait, tout le monde les applaudissait. Mais les vrais prophètes que vous êtes par votre baptême, eh bien, si vous êtes d'authentique, eh bien, cette condition sera difficile. Parce que ce chemin qui va vers le royaume des cieux contredit l'esprit du monde. Et donc, ce chemin passe par la croix. Et de la croix, nous allons à la gloire. Donc, je disais que ce bonheur que Jésus veut nous partager, qui est la sainteté, c'est-à-dire la participation à la nature divine, d'être libéré du péché et de jouir de la liberté de l'esprit, eh bien, ce bonheur, il est inauguré sur la terre. Hier soir, nous étions à fêter la vigile de la Toussaint dans Limoilou au milieu des fêtes de Halloween. C'est assez assez intéressant et c'était très eschatologique, je dirais, au sens où on était une grosse gang, la plupart des jeunes, avec des djembés, des flambeaux, des bannières de saints, etc. Puis les gens sortaient sur les balcons en passant, ils disaient « C'est quoi cette affaire-là? » Parce qu'il n'y avait pas de squelettes, il n'y avait pas de sorcières. Ben, il y avait aussi des gros ponchos, puis des sombreros, il y avait des ananas, je crois, enfin, des blédaines, toutes sortes d'affaires. Mais il n'y avait pas ces oripeaux de la mort et de... Et voilà, le thème de cette soirée, c'était « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et c'était très beau symboliquement parce que on passait comme une lumière, un faisceau de lumière dans cette nuit de ténèbres. Et on pouvait parler avec des gens. Tout d'un coup, sur le balcon, j'ai rencontré Don Camillo. Il y avait un monsieur qui avait une soutane avec une barrette, là. Il était déguisé en curé. J'ai dit, c'est moi le curé, là. Il me regarde et dit, ah ouais, j'avais pas l'air, j'étais pas très déguisé en curé ce soir-là. Puis à côté, il y avait un bonhomme avec une tête de mort, etc. Et puis, je peux parler avec eux et dire, mais voilà, la mort n'est pas le terme de l'existence chrétienne pour nous. De l'existence humaine pour nous chrétiens. Nous venons de la lumière, nous venons de Dieu et nous allons vers la lumière. Certes, nous passerons par les eaux de la mort, mais pour atteindre le rivage de la vie éternelle. Et puis après, ils sont partis parce que le party continuait. Je n'ai pas pu prêcher plus longtemps. Mais voilà, c'était emblématique de la condition chrétienne dans ce monde qui, au fond, recherche aussi dans la fête d'Halloween des belles choses. Il y a ce côté festif, ce côté de partage, des bonbons, etc. Mais le vrai bonheur, cette joie que nous ne méritons pas, mais que nous avons eu la chance de recevoir, mais ils ne l'ont pas encore goûté. L'autre soir, j'ai entendu le témoignage d'une jeune fille qui disait, « Moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, puis j'étais la fille tonique, toujours de bonne humeur, toujours positive, etc. Et jusqu'au jour où Dieu est venu dans mon cœur, et je me suis aperçu que c'était de la façade, et que la vraie joie, eh bien, continue d'être tonique, dynamique, sportive. Mais c'est plus juste une vitrine, ou en tout cas c'est une vitrine qui reflète ce qu'il y a dans le magasin. Cette joie qui vient du ciel, et qui vient dans notre cœur, à la fois personnellement et comme communauté, comme signe pour le monde. Et la liturgie est vraiment un lieu où nous pouvons voir quelque chose de cet horizon divin. La beauté, l'ordre, la louange, la ferveur, l'amour que nous ressentons, eh bien c'est le royaume des cieux qui est au milieu de nous. Je lisais l'article de Denise Bombardier, parce qu'elle est allée à un congrès de religieuses. Elle dit, ah, ces bonnes sœurs, c'est fantastique. Ils sont humbles, ils sont gentils, ils sont fraternels, etc. Mais ça n'y est jamais venu à l'esprit, c'était à cause du Saint-Esprit. Les symptômes de Dieu sont là, mais elle ne reconnaît pas Dieu. Elle pense que c'est une recette, parce qu'ils ont toujours vécu en communauté, ils ont toujours été gentils. Non! L'Église est une icône de l'invisible. Elle est là pour manifester. Et chacun de vous, malgré chacun de nous, nos pauvretés, heureux les pauvres, nous sommes là pour être une petite lumière dans ce monde qui cherche le vrai bonheur. Donc réjouissons-nous, frères et sœurs, de cette fête avec tous les saints qui sont donc passés par la grande épreuve. Ils ont vécu le mystère de Pâques dans les béatitudes. Maintenant, ils sont dans la plénitude de cette joie et ils sont proches de nous, notamment dans la liturgie, où nous avons chanté, et nous allons encore les chanter dans les préfaces, tous les saints et tous les anges. Ils nous regardent avec tendresse, ils nous désirent, ils nous appellent, ils nous aident. Je disais que Jésus est monté au sommet, qu'il nous appelle nous aussi au top, mais on pourrait voir la communion des saints comme une grande cordée. Parce que par le baptême, nous avons été reliés les uns aux autres. La communion des saints, c'est extraordinaire. On est reliés même avec ceux qu'on a aimés et qui sont partis par un lien qui est plus fort que la mort. Un jour, je faisais de l'escalade. J'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, puis c'était pas une grosse falaise. Puis je grimpais. Puis tout d'un coup, j'ai eu un moment de panique. Je me suis mis à trembler parce que je regardais en bas. Je trouvais ça terriblement loin. Puis je regardais en haut. Je dirais, j'aurais jamais la force de monter jusqu'en haut. Puis tout d'un coup, j'ai senti un coup dans mes hanches. C'est mon copain en bas, prêtre, qui a tiré sur la corde parce que j'étais encordé. Et ça m'a redonné un coup. Et j'ai trouvé une autre prise, puis je suis monté en haut. Vous voyez, c'est un peu ça, la communion des saints. Dans des moments peut-être de faiblesse, de difficulté, ils nous aident. Ils nous donnent un coup. Et ce n'est pas juste avec les saints qui sont dans l'invisible, mais c'est dans la vie fraternelle dont nous pouvons jouir dans notre communauté chrétienne, parce que nous avons besoin les uns des autres pour atteindre le sommet, qui est vraiment un don de la grâce de Dieu. Donc oui, Jésus veut ce bonheur qui ne vient pas de cette terre, mais qui l'habite déjà en lui, en nous, par l'Esprit Saint, par l'Église. Et il nous encourage, malgré nos peines, malgré nos douleurs, malgré les purifications que nous vivons, que nous sommes sur la bonne voie et que les saints et saintes du ciel nous accompagnent. Amen.